Salut Charlie. Alors, petit rappel des mots d'ordre de l'année. Ouais. Primo, du contenu. Ouais. Deuxio. Ah bah deuxio. Non, on se méfie, on veut pas se faire avoir. Ah ouais, bien joué, ça va là. Alors, deuxio, du contenu. Ok. Et tertio. Du travail. Non, de la détente, Alex. C'est pas ça, non? Si, le vendredi ça change, c'est la détente. Ah ouais, mais non, si le vendredi ça change. Bien sûr, le vendredi c'est plus cool parce qu'il y a Frédéric Fromage. Ah chouette, il revient après son idylle trapézienne avec Rihanna. Ah bah oui, ça, il l'a largué. Bon, et Guillaume, il est où? Il est retourné au MEDEF. Non, si. Ah, dis donc qu'il travaille beaucoup ce sujet. Ils sont forts, les mecs du MEDEF. Hein. Ils ont réussi à augmenter la quantité de travail d'un gaucho. Ouais. Alors, on parle de quoi alors aujourd'hui? Ah, il y a Vert qui a démissionné. Encore? Mais il va plus rester personne chez Europe Écologie Les Verts. Ouais, au moins la présidente, là, Emmanuel Cosse. Ça va devenir Europe Écologie La Verte. Ah, c'est malin, ça. Ouais, pour ta peine, je le prends au sujet. Hein, tiens. Bon, alors, sujet 2. Mollo, on a déjà un sujet. Hein. Ah, bah non, mais il y a TF1 qui va faire un journal réduit pour Facebook. Ah, Claire Chazal a de l'avenir. Parfait. Bah, ça, c'est un sujet 3. Manque un sujet 2. Non, j'arrête, moi. Bah, parce qu'on a déjà contenu sujet 1. Contenu sujet 2. Maintenant, c'est détente. Ah non, et le travail, Alex? Ah non, on est vendredi. Et le vendredi, ça change, le travail, c'est les autres jours. Ouais. Eh ben, plus que 41 semaines, et c'est les vacances. Hein. Bonjour la France Inter, bonjour à tous. Vous écoutez l'émission qui attache l'actualité au radiateur. Et voici les trois informations qui vont avoir un coup de chaud d'ici 18h. À Europe Écologie Les Verts, la surprise fait place à la consternation. Jean-Vincent Placé a quitté le parti. Mais non, Jean-Vincent Placé, vous ne pouvez pas partir. Après l'hyper-consommateur, voici l'hypo-consommateur. Celui qui prétend consommer malin cache peut-être un gros radin. C'est juste pour rendre service, hein, pour pas gâcher. TF1 lance un mini-journal sur Facebook. Avant que vous ne la fassiez, Guillaume, je vais la faire, je prends les devants. Ce n'est pas Mimi Mati qui présente. Oh, ce sera la substantifique moelle de l'info en 1 minute 30. Un car transportant des touristes russes s'est renversé. Bilan 20 morts dont 3 graves. Et voilà, en effet, Claire Chazal est tout indiqué pour ce journal d'une minute 30. Et pour m'accompagner, j'ai à mes côtés un théoricien de la blague, celui qui m'apprend à travailler la chute en me poussant dans les escaliers. Ah, c'est Pluvisorek ? Je suis accompagné de Pluvisorek. Le Copernic de l'humour. Nous avons des origines polonaises tous les deux. Et aujourd'hui, autour de la table, il y a du nouveau. Il y a du nouveau. À 17h20, elle vient nous parler de musique de manière pertinente. Ce qui va nous faire tout bizarre. Là là. Puisqu'entre Thomas VDB, qui ne sait pas de quoi il parle, et André Manoukian, qui ne comprend pas ce qu'il explique, merci d'être venu, Alina Fenoukoui. Ça fait plaisir. Merci beaucoup. De quoi vous allez nous parler? Ah bah, vous savez quel jour on est aujourd'hui? Eh bien, vendredi. Non, on est le Andra Day. On est le jour d'Andra. C'est comme ça qu'elle s'appelle, je vous en parlerai tout à l'heure. On saura plus tout à l'heure. À 17h30, un inamovible. Il a sa statue dans cette émission, ce qui est antinomique, car son travail ici, c'est de les déboulonner, les statues. Bonjour Guillaume Meurice. Bonjour, bonjour Alex, bonjour Charline. Bah aujourd'hui, suite et fin de ma visite à l'université d'été du MEDEF, avec la question des héritiers, c'était le thème d'une des conférences. C'est tout à fait essentiel, donc vive les héritiers. Voilà, on est plutôt décomplexé au MEDEF avec cette question. Et à 17h40, un réalisateur de cinéma. Il a l'air sorti d'un roman de Conan Doyle, avec son flegme britannique et sa culture encyclopédique en matière de cinéma, mais c'est aussi lui qui a réalisé le cultissime La Tour Montparnasse Infernale avec que de sales gamins. Bonjour Charles Némès. Bonjour. De quoi allez-vous nous parler? Eh bien écoutez, le cinéma a subi un deuil canin insupportable cet été, donc je vous parlerai de chiens au cinéma. Les chiens dans l'histoire du cinéma, on en saura plus à 17h40. Si tu écoutes J'annule tout, est présent dans un monde virtuel sur Twitter, hashtag annule tout, avec ou sans majuscule, tel est le débat, vous allez nous aider. Et sur Facebook, vous pouvez devenir notre ami imaginaire. Et chaque jour dans cette émission, nous sommes accompagnés d'un invité de référence qu'on appelle un référent de la République. Vous êtes né sous Pompidou, vous devenez Miss Météo sur Canal Plus en 2000, c'est l'année des 35 heures, une mesure que Pierre Gattaz est prêt à maintenir s'ils sont effectués en une journée. Vous donnez votre premier One Meuf Show, comme vous l'appelez, comme vous dites, la folie du spectacle. Je vous interromps, je finis sur son Sarkozy plutôt, je crois que vous êtes trompé, ma date de naissance. C'est vrai ? C'est bizarre. C'est moi aussi, j'ai 16 ans. Pompidou, j'ai l'impression d'avoir 16 ans. Non, c'était hier. Oui, c'était hier, non ? On a eu des rendez-vous. J'ai appelé 20 ans. On a tout faux. Vous êtes né sous Sarkozy. Qui sera réélu en 2017. On connaît la réponse. Donc votre premier One Meuf Show, comme vous dites, la folie du spectacle en 2003, quand Florent Pagny lance son chant révolutionnaire « Ma liberté de penser ». Vous sortez votre premier album en 2010, quand le groupe Noir Désir se sépare. Et donc vous êtes, je vous laisse nous le dire, vous êtes... Je dis qui je suis là, en mégalomanie totale. Ouais. Bonjour, je suis Axel Lafont. Bonjour Axel Lafont. Sur France Inter. Charline Vanhoenacker, Alex Vizorek, si tu écoutes, J'annule tout. Vous avez fait quelque chose qu'en une saison et une semaine, personne n'a jamais fait. Vous avez dit bonjour avant de donner votre nom. Et donc, c'est votre politesse vous honore. Bonjour, Axel Lafont. Bonjour. D'ailleurs, on devrait dire bonsoir. Hein. Passé 13 heures, on dit bonsoir. C'est vrai que les autres étaient vraiment des gros sagouins. Mais oui, on a eu pas mal d'impolis quand même. C'est bon, vous avez fini de frotter la manche de l'invité. Oui, on peut y aller. Je suis là depuis un quart d'heure. Ah non, j'aime bien, moi je suis venue pour ça. Vous serez bientôt au théâtre du Petit Saint-Martin dans Hypersensible. Tout à fait. À partir du 15 septembre, nouveau One Meuf Show, comme vous aimez l'appeler alors. Ça faisait... Ah non, je l'appelle non pas comme ça parce que j'ai eu plein de problèmes quand je l'ai appelé comme ça. Ah, c'est sur mon premier spectacle. Mais pourquoi? Oula, on va pas rentrer là-dedans. C'est parce que mon spectacle s'appelait comme ça au départ, j'ai dû changer de titre, etc. Ah d'accord, c'était compliqué. Donc c'est un One Woman Show. Un seul en scène, si on veut se la péter un télo. Chacun y trouve son compte. Quel public vous voulez? Il vaut mieux dire. Les deux, parce que la Porte Saint-Martin réunit à peu près les deux. Donc non, a priori, c'est censé faire beaucoup rire. Donc ça, c'est plutôt un One Woman Show. Un seul en scène, ça peut avoir l'air un peu boring. Oui. Ennuyeux, on parle comme ça. Pour Télérama, il faut dire seul en scène. Oui, mais sachant que c'est vous, on ne pense pas que ce sera ennuyeux. Donc à partir arrêtez de frotter la manche d'un invité, ça va. Non, j'adore. Hypersensible, ce qui est un handicap au départ, dont vous semblez souffrir. Oui, mais vous voulez le transformer en super pouvoir. Est-ce que c'est... Alors, je ne veux pas. Hein. L'hypersensibilité n'est pas une tare, c'est au contraire un super pouvoir. Mais les gens l'ignorent. Vous partez de ce postulat dans le spectacle. Tout à fait. D'accord. Ah oui, donc c'est vraiment une conviction profonde. Ah, c'est une conviction profonde. Je suis hypersensible depuis toujours, et l'hypersensibilité n'est pas que pleurer, c'est aussi vivre les choses à fond, et on est plus intelligent que tout le monde. Voilà. Sinon, je suis pas mégalomane. Mais de l'hypersensibilité. Je suis hypersensible. L'hypersensibilité, qui est donc une qualité, où elle ressort comique. Bah, le ressort comique, c'est la vie. Et ma vie, en l'occurrence, sur scène, vue par le prisme d'une hypersensible que je suis. Et donc, ça pourrait s'apparenter à la paranoïa. voilà, c'est également un spectacle qui est déconseillé aux moins de 12 ans, puisque je parle de l'hypersensibilité dans plein de domaines. Et... Y compris... Allez, il est 17h, les enfants sont touchés. Non, voilà, c'est je vois tout, j'entends tout, je ressens tout, je vois tout avant tout le monde. Donc faites gaffe un peu. Alors, vous dites vous réservez toujours une part à l'improvisation. Tout de même, vous aimez ça pour vous mettre en danger, pour avoir le fun sur scène aussi, j'imagine. Tout à fait. Ça me permet aussi de ne pas faire le même spectacle tous les soirs, ce qui est assez jouissif. Surtout qu'un One Woman, on est censé le tenir au moins pendant 2-3 ans, donc c'est long. Oui. Donc, vous réservez une part à l'impro. Étant donné qu'hypersensible paraît être un avantage... C'est encore mieux dans l'impro alors. Ah, c'est fantastique, ça. C'est un challenge tous les aide. Soirs. Ouais. Non, il y a plusieurs endroits dans le spectacle où c'est de l'impro pure en fonction de ce que les gens me renvoient dans le public. Ça fait très longtemps qu'on vous avait plus vu sur scène. Est-ce que vous pensiez que vous n'aviez pas grand chose à raconter pendant ces années-là, ou est-ce que vous avez laissé maturer ce spectacle? 10 ans d'écart entre les deux. Tout sur à fait. Alors très honnêtement, je n'ai pas refait de spectacle pendant 10 ans. J'ai fait d'autres choses, hein, je vous rassure. Oui, je suis pas partie au Japon faire une pub pour les saucisses. de 10 ans. très long, très très longue saucisse. On vous appelle d'ailleurs Madame Saucisse au Japon. Très connue. Non, j'en ai pas refait parce que j'ai eu un petit souci. J'ai adoré faire mon premier spectacle, j'ai eu de la chance, j'étais connue, très connue à l'époque parce que je sortais de Canal et que j'avais encore l'avantage de bénéficier de ma notoriété de télé. Donc j'ai pas eu ce qui est compliqué au départ, c'est-à-dire démarrer par des petites salles, de savoir si ça va venir ou pas. J'ai tout de suite fait des grandes salles, ça a tout de suite été plein. Donc c'était assez jouissif. Tout le temps que j'étais sur scène, c'était formidable, mais il y a un truc qui m'a posé un petit peu un problème, qui est toujours le cas, mais voilà, c'est d'une la tournée, parce que la tournée est très longue et que de rencontrer le public provincial, c'est fantastique, mais tout ce qui est l'avant-après, c'est-à-dire les trajets, le seul resto ouvert après 23h, et me retrouver seule avec mes deux régisseurs que je ne pouvais plus blairer au bout d'une semaine, c'était des grands moments de solitude. J'ai surtout, il faut discuter avec les gens de province. Voilà, c'est ça. Aussi non, j'adore les gens de province, je ne parle pas de ceux-là. De région. Je parle de mes régisseurs que je vais choisir très soigneusement pour la prochaine tournée. Ils vont me détester, les anciens. Non, c'est vrai que c'est une vie déjà. Il y a ça qui m'a un peu freiné. En plus, entre-temps, je suis devenue maman et que ça, voilà, ça m'a encore moins donné envie de partir. Voilà. Et le deuxième truc, c'est la promo. Alors, je ne parle pas du tout d'ici, mais oui, quand on est en promo... Parce que nous, on s'en fout, vous avez remarqué. Non, c'est pas. C'est que la promo de One Man, c'est pas... Quand on vient... Enfin, je suis comédienne, donc je fais plein de choses différentes. Et là, je fais un One Man. Mais quand on est comédienne et qu'on vient parler d'un film, c'est fantastique. Si on a de la répartie et qu'on est naturel et qu'on vit bien la télé, tout va bien. Mais quand vous venez pour faire la promo d'un One Woman, on vient régulièrement vous dire, à la coupure pub, par exemple, on compte sur toi. Hein. soit drôle. Alors, et ça, on l'a fait mille fois. Donc, on se retrouve, enfin, moi, je me suis retrouvée en tout cas en panique de qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Faut que je mette de l'eau sur l'animateur? Il faut que, qu'est-ce qu'il faut que je fasse pour être vraiment drôle, quoi? Pour vraiment leur on plaire. On attend de vous le pour show. Pour plaire aux gens qui m'ont invité et qui s'attendent à ce que je fasse le show sur le plateau. Ça, et aussi une espèce de surenchère quand on est invité avec d'autres personnes qui font le même métier et à celui qui sera le plus drôle et qui, moi, en l'occurrence, ça me motive pas du tout, ça me fait l'effet inverse, tout d'un coup, je m'éteins et voilà. Et donc, c'était un vrai travail pour moi assez dur à assumer. Je me relance dedans et je vais y arriver, mais c'est un truc qui est pas naturel. J'aime bien arriver dans une émission comme là et soit ça vient, soit ça vient pas, mais pas me mettre la pression de faut que je fasse trois vannes, faut que je fasse un bout de mon spectacle, faut que je sois absolument drôle. N'hésitez pas à balancer de l'eau quand même sur l'animation. Surtout ne vous mettez pas la pression. On vous demande juste de changer de monde. Ah non, aucune pression. Mais je vous dis, pourquoi j'ai hésité pendant 10 ans. Voilà, après c'est pas à l'enfer et je suis ravie d'y retourner, je suis ravie de faire de la promo. Et du coup, ça crée l'attente, évidemment. Axel Lafond, hypersensible, au théâtre du Petit Saint-Martin, à partir du 15 septembre, ça fait 10 ans qu'on vous avait plus vu en seul sur scène, donc évidemment. Ça, c'est aussi le côté attente. Ça, c'est. Moi, je vais y aller. Moi. Bah, ça, je vous le dis. Ça, je vous le dis. Bien intérêt. Bah oui. Puis on l'a pas encore vu, donc on a. Alex. Vous allez bien Axel... vous marrer. entre Axel. Alex Vizorek et Axel Lafond. Je risque de m'en mettre les pinceaux jusqu'à 18h. C'est pas grave. On va y arriver. Allez, à tout à l'heure. Revenez, hein. Claque, c'est sur France Inter. Nous sommes en compagnie d'Axel Lafond. Vous pourrez bientôt voir dans Hypersensible au théâtre du Petit Saint-Martin. C'est à partir du 15 septembre. Et il y a un teaser pour vous donner l'eau à la bouche tout qu'on peut voir sur YouTube en tapant Axel Lafond Hypersensible. Teaser qu'on a regardé en boucle toute la journée en plus. Et vous êtes bien marré. Hein, c'est marré sans arrêt. Mais ça donne vachement envie. Même à la 15e fois encore. Et autour de la table, nous avons Alina Faloukoé, Guillaume Meurice et Charles Némès qui nous parlera des chiens au cinéma tout à l'heure. Exactement. Et qu'est-ce que vous cherchez, Charlie Manoncœur? Bah, peut-être je cherche. Vous l'avez trouvé. Alors, ne quittez pas. Je cherche. Le conducteur. On va trouver une solution. Heureusement que c'est bon de vous annoncer le journal de presque 17h17 parce que j'avais presque mes feuilles pour le faire. Voilà, c'est parti. Bon, allez, à Bruxelles, j'ai pris le train. Vous mentez. Le journal de presque 17h17. Ça vous reprend. C'est un mensonge. Et voici les titres de cette émission. C'est vendredi et c'est détente aujourd'hui. Professionnel. France, la chaîne Gulli a emmené des élèves de CM2 voir... La chaîne Gulli, donc. Comment vous dites? Gulli. Non mais Gulli, c'est sympa. Les feuilles sont belges, alors il dirait. Et voici les titres de cette édition. Voilà. France, la chaîne Gulli a emmené des élèves de CM2 voir le président de la République à l'Élysée. Une bonne façon de les motiver à réussir à l'école pour ne pas finir comme le petit monsieur chauve avec des lunettes. International, trois journalistes français ont menacé le roi du Maroc de révélations. Pour une fois que les menaces vont dans ce sens-là entre le roi du Maroc et les journalistes. Michel Onfray va sortir un conte philosophique qui sera illustré par Mylène Farmer. L'un qui ne croit pas en Dieu, l'autre qui est persuadé que Satan existe. En fin d'édition, vous aurez en exclusivité un extrait du prochain album de Mylène, écrit par Michel. Et on commence par cette visite d'enfants à l'Élysée, où Gulli les a emmenés. Oui. J'aurais foutu la pression. On peut dire une chose, François Hollande impressionne encore des gens de moins de 12 ans, écoutez, avant qu'ils ne le rencontrent. Stressé. Pourquoi ? Parce que je veux voir Hollande, monsieur François Hollande. C'est quand même monsieur le président de la République, quoi. Bah oui. Vous vous souvenez, hein, quand il arrive, on se lève. Il y a le respect des enfants, mais une fois qu'ils sont à l'aise, les enfants se lâchent et obtiennent même une grosse info. Il y a plein d'or partout. Ah oui, c'est impressionnant quand même, hein, ce bureau-là. Oui, ça vous gêne pas de vivre dans l'or, comme ça? Tout est doré. Ouais. Mais faut penser que, toujours que c'est pour une période limitée dans le temps. On n'est pas propriétaire de ces lieux. Oui. Hein, on en est l'occupant pendant un temps limité, 5 ans. Ah voilà. Ouais, 5 ans et puis il rend les clés. 5 ans et il rend les clés, c'est une info pour tous ses opposants. Passons à l'info-choc, tremblement à Europe Écologie les Verts. Après François de Rugy, c'est Jean-Vincent Placé qui quitte le parti. Oui, notons que de leur côté, Manuel Valls et Emmanuel Macron sont toujours membres du MEDEF. Et on a une exclusivité, la dernière action de Jean-Vincent Placé au QG des Verts. Et la première action à la rue de Solferino. Passons à droite. Jean-François Copé fait une rentrée discrète aujourd'hui. Il réunit ses soutiens à huis clos. Un huis clos qui permet de s'assurer que personne ne va se barrer pendant. François Fillon a également fait sa rentrée cette semaine. Copé et Fillon sont promis un bel avenir. Si Nicolas Sarkozy est réélu en 2017, il leur a déjà proposé à chacun un poste d'ex-ministre. Déçu. Un des proches de Copé déclare dans la presse que le maire de Meaux, ouvrez les guillemets, est réduit au rôle de paillasson de la République. On sait désormais où se trouve la clé du coffre de Big Malion. Elle se trouve sous Jean-François Copé. International. Trois journalistes mal intentionnés ont tenté de faire chanter le roi du Maroc pour 3 millions d'euros. Et voilà ce que ça donne. Bravo pour la stigmatisation. Je vous préviens, c'est vous qui allez répondre. Non, je vous promets que s'il avait fait chanter le roi des Belges, j'aurais diffusé Valérie Le Mercier et Goûte mes frites. Alors ça va. Bon, étant qu'on est dans la chanson, on y vient. Mylène Farmer va illustrer un conte philosophique écrit par Michel Onfray. Ils ont travaillé ensemble les deux et cette collaboration a abouti à un nouvel album pour Mylène et écrit complètement par Michel Onfray. Si, et j'ai même un extrait. Allons-y. Il faut choisir, en philo je peux le dire, sans contrefaçon, Freud est un gros con. Voilà, c'est du Onfray. Et comme je vous cache pas que j'ai poussé loin. J'aurais bien aimé faire les chœurs. Freud est un gros con. On peut la refaire ou pas? Est-ce qu'on peut la refaire en régie? Oui, on peut la refaire. Je vais essayer de tenter bien de faire. C'est parti. Puisqu'il faut choisir, en philo je peux le dire. Sans contrefaçon, Freud est un gros con. Ah oui, ça marche. Michel Onfray, si tu veux écrire le prochain album. Mais attention, si vous avez envie de faire du cœur, j'ai un deuxième extrait. Ah oui, j'y vais. Ainsi sois-je chez moi, je pense mieux que les autres. Moi, je suis sûr que Dieu n'a jamais existé. Sinon, il n'aurait jamais créé VHS. Et j'aurais le monopole de la mèche et de la chemise blanche dans le cosmos. Adieu. C'est la fin de cette merveilleuse édition. La main sur le casque. C'est un grand moment de radio. Et merci à Thierry Gounod qui toute cette semaine a coécrit avec nous, mais surtout avec Alex Vizorek. C'est magnifique. Très gentil de dénoncer les gens. Ce qui est salaud, c'est que maintenant j'ai Mylène Farmer dans la tête et ça, rien que pour ça. C'était cadeau pour le week-end. Et on peut remercier aussi le professeur de chant qui vous a formé. C'est pendu. Avec la technique, la main sur le casque. Vous êtes toujours sur France Inter, même s'il n'y paraît pas et vous vous sentez déstabilisé. C'est sur France Inter que vous êtes en compagnie d'Axel Lafont. L'information reviendra. À 18h. Et l'information, c'est tout de suite avec Axel Lafont, parce que c'est un référent de la République. On va s'accrocher à vous pour avoir des réponses, des solutions pour la France. Ah merde. Premier sujet. Il a surpris tout le monde en annonçant son départ d'Europe Écologie Les Verts. Jean-Vincent Placé est un homme plein de surprises. Vu la place que ça prend dans l'actualité, on imagine que ça doit être assez grave. C'est grave pour lui, en tout cas. Voici la réaction de Jean-Vincent Placé. Je pars. Je pars comme un mauvais soldat, rejeté par son armée. Et pourtant, j'ai donné le meilleur de moi-même. Je ne suis pas un mauvais bout. Je travaille pour les autres. J'essaie de donner le meilleur de moi-même. Et pourtant, je ne plais pas. Je donne ce que j'ai de mieux, mais je ne plais pas. Eh bien, c'est le sort des gens qui ont parfois beaucoup à dire. Soit qu'on fasse entrer les putains, je vais me détendre. Jean-Vincent Placé. Benoît Poulvord et Jean-Vincent Placé dans Monsieur Manhattan. Alors, on s'est dit, on va quand même aborder ce sujet épineux. Axel Lafont, alors on ne va pas non plus passer 3 heures dessus. Hein. Je me demandais, la France entière est sous le choc, j'imagine que vous aussi. Est-ce que vous étiez... Est-ce que ça vous a déjà fait ça hier avec François de Rugy ou c'est vraiment ce matin que ça... Non, je dois vous dire que je ne me sens pas super bien parce que en tant qu'hypersensible, dès que ça concerne les séparations ou les ruptures en général, Je crois que Placé, c'est vraiment difficile et je vais avoir du mal à dormir Axel. Ce soir. Non, mais pour nous aussi, parce que nous on l'aimait bien, mais on aimait bien quand il essayait d'aller au Parti Socialiste et tout. Voilà. Donc, vous l'avez appris comment? Est-ce que vous étiez au courant? Je l'ai appris de façon très fulgurante dans la loge juste avant de On cherche aussi dans cette émission à savoir un petit peu qui est la citoyenne qui se cache derrière Axel Lafont, comment elle s'appelle. Très concernée, 2 minutes avant l'émission, on m'a dit, tiens, il faut que tu lises cette information. Et je dis, oh non, ça m'ennuie, j'ai pleuré. Est-ce que vous saviez qui était Jean-Vincent Placé? Tout à fait. Ah voilà, quand même, d'accord. C'est pour situer le niveau. J'ai une question pour Charles Némès qui a réalisé des comédies. Oui. Est-ce que Jean-Vincent Placé, maintenant qu'il est disponible, pourrait être un personnage de comédie? Pas chez moi. Non. Il est bon, hein. Même un type qui prendrait des claques comme ça de temps en temps. Des petites claques rapides sans qu'il les voit venir. Exactement. Ouais, j'adore ce jeu. Moi, on peut essayer. Hein. Cette table, chers auditeurs, est un échantillon de la France. Hein. On voit bien qu'on est très concernés et très tristes. Voilà, ce sera la conclusion. Ne remuez pas le couteau dans la plaie. Conclusion. Et à cette heure-ci, maintenant, pourquoi pas une chronique d'Aline Afanoukoé? Oui, c'est la France aussi. C'est la France. Moi, j'adore Aline depuis des années. Merci. Merci. C'est la classe intégrale. Vous l'avez écouté sur Nova? Je l'ai écoutée absolument partout et je suis fan de tout ce qu'elle fait, de tout ce qu'elle dit. Oula. Et de tout ce qu'elle porte. Et sur France Inter. Ça commence bien. Allez-y, Aline. Alors, mon coup de cœur de la rentrée s'appelle Andra. Génial. J'adore. La fille qui fait des caisses. Andra Day, une voix sublime et mais une oui très belle plastique, ce qui ne gâche rien. Une tout voix peut être aussi un corps, n'est-ce pas? Alors, je pense que ça va vous rappeler Amy Winehouse avec un soupçon de Air Taquit ou encore... Ça, il y a pire comme référence. Ah oui, il y a pire. Ou même du Billie Holiday. He don't know I call him the teacher. He had hard lessons for the kid. Now I get out, put you through hell, he put me under the same spell. C'est cool comme chronique, hein? C'est Andra Day. Non, mais je vous laissais savourer cette voix sublime. Fantastique. Là, on l'écoute avec le titre Gold. C'est une de ses compositions. Et c'est une pépite, hein, d'or, forcément. Andra Day, donc chanteuse afro-américaine. Elle a 30 ans. Elle est née à Washington. Élevée à San Diego, en Californie, où elle a suivi les cours de l'école des arts et de la création. Elle s'est fait connaître, comme beaucoup d'artistes aujourd'hui, en postant des reprises d'artistes sur YouTube. Elle est même devenue un phénomène. Chaque fois qu'elle postait quelque chose, chose, eh ben, il y avait pas moins de 500 000 vues. Elle est fan de Lauryn Hill, Eminem, Muse ou encore Notorious B.I.G. Des artistes à qui elle rend hommage en général, juste avec sa voix et une guitare qui l'accompagne. Tout le monde poste sur YouTube, mais tout le monde n'a pas le plaisir et l'avantage d'être contacté en direct par un certain Stevie Wonder, qui l'a contacté pour travailler avec elle. Tout le monde n'a pas son talent aussi sur YouTube. L'authentique qu'il a vu sur Internet. Non, on n'a pas le droit à ça. Non. D'ailleurs, je voudrais juste faire une remarque. J'ai tapé pour la voir. J'ai tapé Andrade en un mot, qui est un joueur de foot. Donc c'est. Oui. Alors précisons bien qu'il s'agit de Andra, plus loin, Day. Comme le jour. Et c'est son jour de sortie de son album. Hélène DeGeneres l'adore aussi. Alors, Stevie Wonder a essayé de travailler avec elle pour des raisons de timing, ça ne s'est pas fait, mais il a quand même mis en contact avec Adrian Gurwitz, qui a notamment gagné un Grammy Award pour l'écriture de la BO de Bodyguard, à l'époque, hein, Whitney Houston, Kevin Costner, on s'en souvient. Non, pas le tour du chant. Je peux faire les cœurs, si tu veux. Ça, c'était Dolly Parton. La chanson. La version 1. La chanson de Bodyguard et de Lily Parton. Oui, oui. Charles est né un petit peu avant nous. C'est vrai. Et c'est important d'avoir ses références aussi. C'est mieux de dire ça. C'est bien de préciser. Sur ce premier album donc de Andrade, intitulé Cheers to the Fall, on retrouve aussi le batteur de The Roots, Questlove. On retrouve les Dapkins, qui sont d'excellents musiciens qui accompagnent généralement Sharon Jones. C'est de la soul classique, bien musclée. Il y a Jazzy Jeff aussi, le DJ qui accompagnait à l'époque Will Smith. Bref, elle est bien entourée. Son album sort aujourd'hui. Le single que vous allez entendre, c'est Forever Mine. C'est une reprise de The Flamingos. Ils l'ont chanté en 1959. C'est rétro, c'est soul, c'est romantique. Elle aussi est hyper sensible. Andrade. Je la kiffe. Voilà. Je pense que vous ne pouvez que la kiffer. On l'écoute tout de suite avec Forever Mine. Has been a chessboard, making moves and losing out. Played so many times before, and there ain't nothing to brag about. But this must be your new bro. When you count them singing blue moon, you turn me all the way around. And I'm tired of the fine line. I just want you to be, forever mine, forever mine. Oh, when there's nothing I can sing now that ain't been sung before. Oh, but your love is a standout. So go on ahead and take the floor. For my heart, can't find it no more. You ransom my heart and I get the reward. Went in the ground like a Trojan horse. Back every time. You got me shook like the mob when they rhyme. Come out of nowhere, come back to my life. I just want you to be forever mine. Oh. Mine. Sur son album Cheers to the Fall. Merci. Et alors bon, pour la petite histoire quand même, le clip de Forever Mine a été réalisé par Spike Lee, la grande classe. Oh, donc on la retrouve dans un club de striptease peu vêtu, mais voilà, j'espère que ça vous plaît. L'album sort aujourd'hui. Une proposition d'Alain Afanoukoé. Bah, écoute, et autour de la table, je vais vous dire qu'il y a, il aurait du Guillaume Meurice qui est parti au MEDEF, du Charles Némès qui a vu des chiens au cinéma, et bien sûr, nous avons la chance d'avoir autour de cette table Axel Lafont qui change le monde avec nous. Qui est là pour Hypersensible, vous pourrez la voir au théâtre du Petit Saint-Martin à partir du 15 septembre jusqu'au 10 octobre. À 21h. Et on était en train aussi de regarder, pendant qu'on écoutait Andrade, on était en train de regarder le teaser que vous pouvez voir sur YouTube. Encore, je n'ai pas réussi à voir jusqu'à la fin. Parce que tu l'avais déjà vu. Je te tutoie direct, t'as vu ouais, ou pas vous l'aviez déjà vu, ça vous a fait énormément rire. Il me manque les 15 dernières secondes que je regarderai après l'émission. C'est le moment Meurice, là. Oui. Et le moment Meurice, c'est un moment de fébrilité. Alors, mais hyper sensible. Mais c'est un truc bizarre, tout d'un coup, sous vos lunettes, monsieur Meurice. Ah, c'est une fille qui tombe. Alors, Charles Némès. Monsieur Némès, c'est des loupes. Des loupes. Oui, oui, il les chose déjà pour sa chronique. Il se prépare. J'adore. C'est dans 10 minutes, Charles. Mais d'abord, Charles le moment Meurice, le moment où les hypersensibles doivent faire attention. Oui, oui, surtout que je profite de la présence d'Axel Lafont avec nous aujourd'hui pour évoquer la question épineuse des fils de. Ou des filles de... Ah, j'en parle dans mon spectacle, justement. Ah ben voilà, alors, je rappelle... Attention à toi, je peux te frapper très vite. Je rappelle quand même que vous êtes donc la fille du fameux Patrice Lafont, hein, qui l'on doit la présentation du jeu Pyramide. Je ne savais pas. Un jeu dont la principale difficulté était de comprendre les règles du jeu. Un candidat disait Marcassin, l'autre devait répondre flûte à bec. Hein. Aucun chercheur du CNRS n'a pour l'instant trouvé une explication rationnelle. Bref, pourquoi cette question de l'affiliation ? Parce que je suis retourné à l'université d'été du MEDEF et le thème d'une des conférences était... Pourquoi les héritiers sont-ils mal aimés en France ? Des éléments de réponse, peut-être ? Non, bon, alors, ok, je vais m'y coller. Alors, pour avoir des réponses, j'ai d'abord demandé à l'association Jeunesse et Entreprise, dont le président est un certain Yvon Gattaz. Le père de Pierrot. Oh, le coup de pont. Ah, ça commençait bien. Bon, alors, Yvon... Pierrot qui est déjà le fils de l'autre. Déjà, bon, oui, bah, voilà. Voilà. Oui. Alors, Yvon, il n'était pas là, hein, personnellement, parce qu'il a 90 ans, donc il était certainement occupé à gérer son entreprise de sucrage de fraises. Mais le vice-président était là, un certain, alors le nom est véridique, bien sûr, sinon c'est pas rigolo, Bernard Bismuth. Voilà, je sais pas si c'est de la famille de Paul ou pas, mais écoutons ce qu'il a à nous dire sur les héritiers. Si on transmet à ses enfants de l'avoir et non de l'être, c'est-à-dire des richesses et non des valeurs, on ne leur donne pas forcément un bel héritage. Donc vous dites aux jeunes de la Courneuve qui n'ont pas un rond, vous êtes riche en valeur. Non, mais alors je vais vous dire, les jeunes de la Courneuve qui n'ont pas un rond, ça m'arrive d'intervenir, et je leur dis, et je le crois, vous allez réussir. Mais oui. Sort de ce corps. Vous allez réussir, ou alors vous êtes vraiment nuls, les jeunes de la Courneuve, car ce qui compte, c'est la richesse intérieure. D'ailleurs, la prochaine personne qui vous dit ça, ouvrez-la en deux, videz-la, remplissez-la de billets de banque, vous lui rendrez grand service. Allons désormais voir les patrons pour avoir d'autres explications sur cette haine française vis-à-vis des héritiers. Oh, je crois que c'est malheureusement une vieille tradition française, certainement héritée peut-être de la Révolution française, où on considère qu'on ne peut pas réussir de manière générale si quelque part on n'a pas tué le père, on n'exploite pas des gens, ou au contraire on n'enfreint pas la loi. Voilà, tuer le père, exploiter des gens et enfreindre la loi, on peut réussir sans, bien évidemment. Regardez Bernard Tapie, non, ça c'est un pas un exemple. Regardez Balkany, non plus. Madoff, enfin bon, démerdez-vous, hein, vous allez bien trouver des exemples. En attendant, cherchons une autre explication à ce désamour des héritiers avec un autre patron. Mais ce qu'on dit quelquefois, c'est que l'héritier, finalement, il est né, comme on dit, avec une petite cuillère d'argent dans la bouche et il n'a rien fait. Donc c'est là, peut-être, qu'on se pose cette question-là. Alors qu'ils ont fait, quand même, ils sont nés. Ils sont nés, oui. Oui, c'est déjà pas mal. Oui, c'est vrai. Oui, mais c'est pas donné à tout le monde. Kerviel, il était héritier ou pas, Kerviel ? Ah, Kerviel, certainement, pas. Héritier de quelqu'un, c'est pas le papa. Si son fils hérite de sa dette, il va être ravi. Ouais. C'est nous qui en héritons pour l'instant de sa dette. Alors évidemment, oui, c'est pas facile d'être né, hein. C'est facile pour ceux qui sont pas nés, par exemple. Ils sont là, ils sont dans le néant, ils sont à rien foutre. Voilà, ça, c'est des feignasses. Après, il y a les nuls qui sont mal nés. Alors, je vous en parle même pas, c'est encore pire. Mais ça, c'est très français. On est jaloux. Et pas seulement jaloux. Peut-être que le français particulièrement égalitariste. Que on sent que vous avez du mal à le dire en plus. Oui, oui. Ouais, c'est pas facile pour un patron de dire égalitariste, c'est pas évident. C'est comme salaire. C'est pour ça qu'il préfère dire charge salariale ou cotisation. C'est pour ça qu'il préfère dire charge patronale ou enculerie. C'est pour ça qu'il préfère dire flexibilité du monde du travail. C'est du langage de patron tout ça. Continuons avec celui-ci parce qu'il avait des choses à nous dire. Je crois qu'aujourd'hui, on a beaucoup moins d'aristocrates à la tête de nos affaires, que ça soit politique, financière ou beaucoup moins de fils d'eux. Oui, beaucoup moins de fils d'eux. Beaucoup moins de fils d'eux. Bouygues, Lagardère, Dassault. Alors, oui, mais c'est donc leurs parents n'étaient pas eux-mêmes des fils d'eux. Ah voilà, ah, bah oui, ça c'est vrai, ça va, c'est mathématique. Si tu remontes sur 8 générations, tu retrouves fatalement un mec qui a gagné sa vie en bossant. Enfin, il a tondu la pelouse de la propriété de papa à Deauville et on lui a donné une petite pièce, mais ça compte, bien évidemment. Concluons et tentons de répondre à cette fameuse question avec notre nouvel ami Bernard Bismuth. Je préfère l'histoire d'une entreprise patrimoniale que d'une grande entreprise où le patron change chaque fois. Oui, mais alors le mérite dans tout ça? Attendez, l'entreprise patrimoniale, c'est la question de... Je ne peux pas rentrer dans la... Mais, non, mais on a un débat philosophique, je ne sais pas ce que vous allez retenir de votre truc. Là. Oui, non, mais on ne sait pas non plus, Bernard, ce n'est pas très clair ton explication. Beaucoup d'alcool, je crois. Oui, avant, même pas, c'est ça le pire. Quoi. Mais bon, je crois que c'est encore plus facile de comprendre les règles du jeu de pyramide. Pyramide comme l'organisation de la société française, d'ailleurs, avec évidemment toujours les mêmes au sommet. Merci, monsieur Poujade. C'était un honneur de vous avoir autour de cette table, comme tous les jours à 17h30. Guillaume Meurice. Allez, on est en compagnie toujours. Je suis démasqué. Axel Lafont, heureusement vous n'avez pas fâché, restez Axel. Quoi, parce que je suis fille d'eux. Est-ce que vous avez pensé de tuer le père avec deux briques? En trois, voilà. En trois. Comment va Pépita? Eh bien elle est là, avec vous. L'exception. Allez, abordons le sujet de ne perdons pas de vue nos objectifs. Non. Cette année on s'est dit, on trouve des solutions du contenu du travail, sujet 2. Les nouveaux radins nous font croire qu'en utilisant leur code promo et leur bon plan, ils sont plus malins que les autres. C'est un dossier dans Marianne cette semaine qui nous dit qu'aujourd'hui Arpagon irait sur Le Bon Coin ou le site radin.com. J'ai découvert l'existence du site radin.com qui propose une ristourne de 14% sur les paquets de M&M's personnalisés, sachez-le. Attends, t'es dans le dico, reste-y, regarde à R. R. Comme radin. Quoi? Ben, t'as trouvé mon adjectif, je cherche le tien. Mais Pierre n'est pas du tout un gros radin. Non, il est pingre, chiche, avare, ayant un problème avec l'argent. Toi, tu serais généreux et moi je serais radin, c'est ça? Tu serais généreux parce que t'as offert un iPod à Myrtille pour ses 4 ans? Excuse-moi de ne pas avoir ton fric. Ah, c'est sûr que les morceaux de bois, ça n'a pas dû te ruiner. C'était un Mikado, connard. Un extrait du film Le Prénom. Un dossier dans Marianne qui explique donc que sous couvert de « je suis plus malin que les autres, je me fais pas avoir par la société de consommation », en fait, il y aurait de la radinerie décomplexée parce qu'il y a 2,3 millions de gens qui sont inscrits sur radin.com. Donc il y a la droite décomplexée, il y a les patrons décomplexés, il y a les radins décomplexés. C'est un site français? Et il y a 2 millions d'idées. Ouais. Fantastique. Ouais. Pour avoir les bons plans du jour, dont les M&M, ça a 14% de ristournes. Incroyable. Mais dans les ristournes, nous, on connaît ça avec les spectacles, il y a Bière et Duc, etc. Ouais. Et ça fait, au départ, ça fait quand même du tort un peu aux autres. Je sens que vous lancez un débat. Est-ce qu'il y a des réductions, pour le lancement de hypersensibles? Il me semble qu'il y a des réductions les 15 premiers jours. Voilà. Ah, ça, c'est magnifique. Ouais, ouais. Non, ça, c'est. Mais donc, les gens radins, vont venir. Voilà. Alors, c'est pas le même public, ça se sent, ça, vous pensez? Non, je crois pas. Non, moi, je trouve ça bien qu'il y ait 15 jours de réduction. Parce que je trouve ça cher, quand même, le théâtre. Donc, voilà. Donc, je trouve ça bien que ça donne envie, qu'ils trouvent ça génial et qu'ils disent à ceux qui sont moins radins de payer leur place. Cela dit, les radins, non, mais les non-payants, c'est un mauvais public, parce qu'ils ne savent pas très bien ce qu'ils viennent voir, ils ont reçu les places, ou ils ont gagné des concours et des machins, et quand ils commencent par être déçus, ça peut être très difficile à tenir le spectacle. Exactement, c'est pour ça qu'il n'y a plus de général en général. Elle est magnifique cette phrase. Il n'y a plus de général en général. Non, il n'y a plus beaucoup de général presse, parce que ça fout une mauvaise ambiance dans la salle. Ah oui. Les journalistes sont invités. Vous voulez dire que les journalistes sont radins? C'est là où vous voulez en venir. Non, vous voulez dire qu'ils sont... Non, je rebondissais sur ce que vous veniez de dire. Ils sont peut-être un peu blasés, ils rigolent moins. Ils sont blasés. basé dans de voir tant de spectacles et... Je sais pas, je peux pas parler en votre nom, mais... Non, mais ils sont là pour bosser, donc... Ils sont là pour bosser, donc forcément... Non, mais moi, je comprends pas ça, parce que je me réjouis tout le temps. Je me dis, chic, un spectacle, donc je me réjouis. Donc, moi, je suis la seule qui applaudit. C'est pour ça que plus personne vous considère comme une journaliste. Alors, écoutez, je vous renvoie tout simplement à ce... Je pense qu'on a bien traité le sujet. Ah là, on a été... Je crois qu'on est allé au fond de ce sujet. On est allé au fond des choses. Mais de toute façon, moi, quand on est hypersensible, on ne peut pas être radin. On est tout en générosité. Et je suis venue tout en... Je suis l'amour. Je ne suis pas du tout en mégalomanie. Non, c'est vrai, mais être hypersensible... Bon, on est forcément pauvre. Ça coûte un pont, alors, d'être hypersensible. Est-ce qu'on a envie d'être généreux? Ça coûte un bras et on est à la rue. Mais est-ce qu'on est hyper susceptible aussi? Parce que la critique... Hyper susceptible. On est des grands casse-couilles, mais on est tellement bien, tellement là. Tellement présent. Allez voir une casse-couille au petit Saint-Martin. En réduction les trois premières semaines sur Biréduc. Attention, le moment, un moment, une nouveauté. Maître mot de cette année aussi, nouveauté. Charles Némès est parmi nous. Et il met ses lunettes. Et vous nous parlez cinéma, Charles, allez-y. Alors voilà, l'actualité cinématographique, enfin cinéphilique, le mois d'août aura été plutôt cinophilique et même cino-nécrologique. Ah. Avec le Huggy, le Jacques Trossel, partenaire de Dujardin dans The Artist, est mort des suites d'un cancer du côlon, ce qui prouve que personne n'est à l'abri. Et on a pu entendre le très regretté Robin Williams, en ce qui aurait été son dernier rôle, prêter sa voix au chien Dennis dans Absolutely Anything de Terry Jones, le réalisateur des films de Monty Python. Tristesse. Au JT de France 3, on dirait qu'ils se sont sans doute retrouvés au paradis des cabots, mais par respect pour les auditeurs de France Inter, aujourd'hui, on ne va pas dire ce genre de choses. En fait, le cinéma abonde de kleps. Au JT de France 2, on préciserait de tout poil, mais... je m'égare, pardon. Moi, j'ai trop regardé les infos à la télé ces derniers temps, j'étais au chômage. Donc, dans les films, il y a des chiens gentils, la cire, un Tintin, Benji, Flike, le héros canin d'Umberto D, qui sauve son maître du suicide, Huggy, donc, qui sauve du jardin de l'incendie de son appartement, mais aussi des méchants comme Batka, le chien blanc dressé à attaquer les hommes de couleur noire, scénario adapté d'un roman de Romain Gary, les chiens de garde du film Les Chiens, là ils se sont foulés pour le titre, ou Zoltan, le chien sanglant de Dracula, ce qui pour des raisons très personnelles me plaît moins parce que Zoltan est mon troisième prénom. Bon. Ah ouais. Mais, oui, on fait comme on peut. Un prénom de chien de vampire. Un prénom de chien de vampire, merci les parents. Alors, les Yuki de cinéma ont souvent des noms à la con, comme Scooby-Doo, Bambou, Belle ou Croque-Dur. Alors certes, Beethoven n'est pas un nom à la con, mais un nom allemand. Ils ont parfois des noms étranges comme Foulcan, le chien du braconnier Blaireau, qui n'a pas gâté lui non plus sur le plan patronymique, joué par Louis de Funès dans le film Ni vu ni connu, qui l'appelle en disant « Viens ici, Foulcan ». Contradiction, paradoxe, rire. Bien sûr. Dans l'ordre. C'est un cours de cinéma. Alors, il y a ceux qui n'ont pas de nom, comme le cornu du Quai des Brumes, qui s'attache à son gabin. Un ou plusieurs chiens dans un film, 101 maximum, ne sont pas une garantie de réussite, mais une option prise sur l'émotion, en général l'attendrissement et un anthropomorphisme rassurant. La Belle et le Clochard pourraient de cette façon être relues comme une comédie sociale. Pour cette première chronique, j'ai décidé de dire du bien d'un film. Si Madame France Inter me prête vie et que je récidive, je ne craindrai pas de me faire des ennemis. Mais c'est la production, ça. Le manoukien du cinéma est avec nous. Alors, des chiens au cinéma, donc, il y en a de toutes sortes. Des vrais, des faux, dessinés en pâte à modeler, des marionnettes, des numériques, des acteurs en costume à poil. Paradoxe. Il en est un qui n'a pas de pareil, qui est épatant, un cador, comme on dirait au JT de TF1, même le micro. C'est Didier, le chien éponyme du film d'Alain Chabat, lequel Chabat, à notre connaissance, à la différence de Huggy, va très bien. Didier, le film, donc, est sorti en 1997, a reçu le César du premier film en 1998, et ce n'est pas une fois que justice, on ne peut pas se tromper à chaque fois. Là, je me fais déjà des copains. Par une commodité scénaristique et avec un aplomb qui évoque les plus inventifs de nos hommes politiques, le labrador Didier se transforme sans explication en homme, ou plutôt continue d'être un chien, mais dans un corps d'homme. Pourquoi ? Parce que c'est l'occasion pour Chabat de donner une des performances d'acteur les plus inattendues et réussies de ces nombreuses dernières années. Alors pourquoi et comment n'ont plus d'importance. Tout ça se prend beaucoup moins au sérieux que les singes de 2001 de Kubrick pour lesquels on a costumé en primate des mimes chorégraphiés par un éthologue éminent. Didier n'a pas d'équivalent dans le cinéma, un acteur sans accessoires, avec son seul talent pour tout donner à voir et à ressentir. Le ressenti, ça, c'est un hommage à Mademoiselle Nothomb avec qui je suis d'accord sur les questions du ressenti. Réécoutez l'émission de lundi. Voilà, c'est pour les fidèles. Il y a des trouvailles de dialogue magnifiques. Alors, on ne sent pas le cul quand on ne connaît pas, dit Jean-Pierre Bagal. Puis, bien sûr, on la connaît, elle, mais il faut connaître plus pour sentir le cul. Et enfin, on ne sent pas le cul des filles, voilà, sauf si c'est elle qui demande. Si c'est elle qui demande, tu vois avec elle. Oui, répond Chabat. Bouif, tu l'as déjà dit, etc., etc. Ou tu le vois bien que t'es plus à quatre pattes, que tu ne peux plus te lécher les couilles. Tu le verras tout seul. Qui a dit que le cinéma populaire ne pouvait pas être aussi grand que n'importe quel autre ? Avant de ramasser mon brol et de tirer ma révérence, je tiens à préciser qu'aucun animal n'a été maltraité pendant la production de cette chronique. Merci, Charles. Mais vous n'avez pas parlé des chiennes qui sont dans les films, il y en a énormément. C'est un autre répertoire. Oui, c'est ça. Vous cherchez un rôle porn. Il faudra traiter également. C'est le premier rôle. Excellente intervention d'Axel Lafond de Paris. Merci. Voilà, qui est disponible si un réalisateur cherche éventuellement une performance. Allez, on aborde le troisième sujet. La concurrence des 20 heures du jusqu'à ce qu'il n'y ait plus aucun téléspectateur devant. France 2 propose des sujets sur la mozzarella. Je suis sûre que vous êtes touché, Charles, parce que je vois que vous regardez. Ça m'aime beaucoup. Là, vous le prononcez très bien, mozzarella. Ah, c'est avec mon petit accent belge, j'ai un petit qui traîne. Mieux que Gulli. En face, TF1 propose un journal maintenant d'une minute trente sur Facebook. Et on commence tout de suite avec une news qui vient de tomber. Guillaume Pisson qui a dit, je cite, « Mon père, il est trop cool, il m'amène au sport, à tout de suite les poteaux. » Puisque nous sommes mercredi, c'est le moment de la critique cinéma de Gilles Michaud qui a vu le dernier Mission Impossible. Qu'en dit-il sur son mur ? Eh bien, je cite, « C'est trop frais, double circonflexe, deux points, fermez la parenthèse, XD. » Voilà, c'est la fin de ce journal. Je vous rappelle quand même que cela fait 30 jours maintenant que nous sommes sans nouvelles de Vincent Pétard, qui n'a toujours pas mis à jour son statut. Toutes nos pensées vont bien évidemment à sa famille, surtout s'il est mort. Le journal Facebook de Monsieur Poulpe. Ouais. Très drôle. Était visionnaire, en fait. Génial. C'est quand même dingue. Donc, alors, on va voir. Donc, outre sur la page Facebook d'Axel Lafond, vous pouvez voir le teaser de son spectacle. Et en dessous, bim, une minute trente d'informations de TF1. Donc, vous êtes sur Facebook. Mais moi, j'ai entendu que les animateurs de. J'ai entendu cette information comme vous, mais également. Informez-nous, que Axel. Les animateurs de TF1 allaient tous devoir se mettre sur Tinder. Ah bon, pour élargir le réseau, c'est ça. Ouais. Donc on pourra pécho les animateurs de TF1 sur Tinder. Sur Tinder, exactement. J'y suis les 24 heures, juste pour voir. Comme il se passe. Ouais, évidemment, tout le monde essaye de rénover ses journaux, etc. Dans cette concurrence. Est-ce que peut-être rénover la coupe de cheveux de David Pujadas, ça pourrait être aussi une option. En une minute trente, trop gros budget. je me disais que ça plairait à Maurice. Oui, j'ai bien aimé. Oui, j'aime bien les Playmobil et tout. Donc, il n'y a pas de souci. Mais vous qui êtes journaliste, est-ce qu'on peut avoir un avis sur l'actualité du jour si on a 5 titres en 1 minute 30 ? Non, mais en 1 minute 30, les rédacteurs en chef vous disent toujours dans la presse écrite, il n'y a pas d'information qui ne puisse être résumée à une brève. Aujourd'hui, ils vous disent, il n'y a pas d'information qui ne puisse être résumée à un tweet. Sans 40 caractères. Donc, j'imagine que oui. Sauf que 1 minute 30, c'est généralement le temps qu'on a pour un reportage. Et imaginez un petit reportage dans un journal de radio, de télévision. Donc là, ça me paraît. S'il passe celui sur les cartable ou sur la chute des feuilles. Je sais pas, vous imaginez. On peut-être parler avec des moitiés de mots. Je suis sur France. C'est le temps d'un teaser, en fait. C'est ça, je suis sur France. Mais c'est le temps d'un teaser pour un spectacle. Exactement. C'est 1 minute 30. Voilà. Je pense qu'on a bien fait le tour du débat. Alania Fenoukoé, si vous avez vous êtes d'accord, hein. Moi, je suis absolument à fond, là, sur ce que vous venez de dire. Je me disais bien aussi que c'était un sujet qui passionnait absolument tout le monde, et c'est tant mieux. On peut conclure en disant aux gens de ne pas regarder TF1, ça reste quand même la meilleure solution. Mais de rester sur Facebook. Voilà. Pour le teaser. Charles Lévesque, on va maintenant s'informer sur Facebook, donc. Oui, mais moi j'ai vu un chef-d'œuvre cet été, c'était je crois France 2 à 13h. C'est un guide qui emmène des vacanciers monter en haut d'un phare à la tombée du jour. Ouais. Et le commentaire dit, en haut les attend une surprise, et la surprise était le coucher de soleil. Ah. Ouais, mais c'est la créativité. C'est comme ça. C'est cohérent. Qu'est-ce que c'est vendeur ? C'est les 20h de nos jours, que voulez-vous ? 20h et 17h54 sur France Inter, il parce qu'il y a un décalage horaire chez nous. Avec Heure GMT, bien sûr. Mais qui est-il ? Mais on a reçu énormément de tweets. Est-ce qu'il va reprendre la saison avec vous ? Est-ce qu'il n'est pas trop connu ? Est-ce que Las Vegas ne va pas vous l'enlever ? Et non, il est là. Il a eu 2 mois pour écrire des saloperies sur le monde entier. Bonjour Frédéric Fromet. Il a renégocié son cachet quand même. De quoi allez-vous nous parler ? Bah, du Thalys. Et... Ah, on aurait dû le parier. Dès qu'il y a une catastrophe, Frédéric Fromel. Et j'entends siffler le train. Et j'entends siffler le train. Non, ça, c'était pour la détente. Maintenant, du contenu et du contenu. Ah oui, vous avez bien. Donc, j'ai mené l'enquête sur le Français qui a sauté le premier sur le tireur du Thalys et qui veut garder l'anonymat. Qu'est-ce qu'il fait ? Qu'est-ce qu'il a ? Qui c'est celui-là ? Pipa. Même pas un selfie, le pauvre gars. En direct du combat. Même pas un tweet sympa. Je suis dans le train, ça tue grave, gros bisous. Au moins les ricains les voit. Jean-Hugues Anglade aussi, on le voit. Ça se passera pas comme ça. Je connais des gens qui publient des photos de leurs pieds, de leur vie 20 fois par jour. Combien vont me liker? Et voilà un bel idiot qui ne veut même pas nous montrer sa gueule de peur qu'on le reconnaisse. C'est peut-être du pont de Ligonnès. Qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce qu'il a? Qui c'est celui-là? Ça peut être Juppé, le mastoc, le type des un rock. Ça peut être François de Rugy. Je veux bien, mais c'est qui? Au moins le gros placé, on l'entend. Jean-Hugues Anglade aussi, on l'entend. Ce n'est pas lui pour autant. Sûrement quelqu'un de gentil qui n'a pas le melon. Ça peut être Sarkozy ou Jean-Luc Mélenchon. Un modeste qui ne tient pas de grands discours. Ça peut être aussi bien Arnaud Montebourg. Sortez de mon habitat. Qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce qu'il a? Qui c'est celui-là? C'est peut-être un socialiste, on sait pas, qui relançait l'emploi. Ah mais non, je suis bête, ce train n'allez pas chez les Roumains. Est-ce Marine Le Pen, euro, députée modèle? Impossible, on ne la voit jamais à Bruxelles. Ou c'est sa nièce Marion, c'est improbable. Elle n'irait pas dans un wagon avec un arabe. Qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce qu'il a? Qui c'est celui-là? On dit que c'est un banquier, j'y crois pas. On n'a jamais vu ça. L'or est sauvé des gens, la bonne blague. Qu'en penses-tu Jean-Hugues Anglade? Ça peut pas être Macron, le beau gosse en costard. Il paraît qu'il ne voyage plus qu'en autocar. Et si finalement c'était ce cher Pierre Gattaz qui là aurait pu dire, on nous prend en otage. Qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce qu'il a? Qui c'est celui-là? En tout cas c'est pas moi. Bravo! Merci, au cœur, Axel Lafont. Et hommage à Pierre Vassiliou, bien sûr. Oui. Merci Frédéric Fromet. Et bravo. Merci infiniment Axel Lafont. On a passé un très agréable moment. J'en reviens demain, d'ailleurs. En compagnie. On s'attendait à Seriège. On a passé un excellent moment en compagnie d'une hypersensible. C'était au théâtre du Petit Saint-Martin à partir du 15 septembre. Et à 21h. À 21h. Ah, oui. Vous faites bien de le dire. Les 15 premiers jours, il y a des réductions. Allez-y. Et puis c'est jusqu'au 10 octobre. Merci Alina Fanoukoé, Charles Nemes, Guillaume Meurice, Alex Vizorek. On se retrouve lundi. Bon week-end à tous. Et en attendant, le mot de la fin à notre chouchou. Ça m'intéresse. Mais non, Jean-Vincent Placé, vous pouvez pas partir. C'est...